Le mystère de la lande par Édouard Dulac. Ah, vous ne croyez pas aux pressentiments, vous, Chavannes. Vous avez tort, mon ami. Oui, oui, je sais. Vous êtes ce qu'on appelle un esprit fort. Je l'étais comme vous. Plus que vous, peut-être. Ça m'a bien passé. Laissez-moi vous prédire que cela vous passera aussi. Vous riez. Il n'y a pas de quoi, je vous assure. Cela vous passera le jour où vous vous trouverez, ainsi que cela m'est arrivé, non pas seulement en face de pressentiments, c'est-à-dire de mouvements de l'âme que votre raison, à la rigueur, peut refouler, dompter et vaincre, mais de prémonitions, entendez-vous, de signes tangibles, certains, dont vos sens ne pourront pas douter, et que vous verrez se conformer, se réaliser par la suite. Vous savez sans doute que ma jeunesse, si libre et si ardente, fut désolée par un drame resté d'ailleurs fort mystérieux. Une amie, la première et la plus chère que j'avais entraînée à ma suite dans une villégiature d'automne aux confins de la Gascogne hollandaise, disparut au cours d'une de mes absences et son cadavre fut retrouvé non loin de la maison qui avait abrité notre brève idylle, enfouie dans les profondeurs sinistres d'un fourré. La maison dont je vous parle avait appartenu à ma famille. C'était un pied-à-terre où l'un de mes oncles, propriétaire et exploitant de plusieurs hectares de pinèdes, venait séjourner de son vivant pour surveiller ses résiniers. À sa mort, il me légua sa bicoque et sa part de forêt. C'était un singulier pays que ces landes, désert de sable, dont l'industrie des hommes a fait une sorte de verger sylvestre, tout embaumé de fruits d'or qui mûrissent aux flancs généreux des pins. La nature sauvage y conserve ses droits et de vastes clairières, maquis de fougères, d'ajoncs et d'arbrisseaux rabougris, reste l'asile d'un gibier prolifique. Le sol s'assagit aux approches de l'océan, dont il était jadis une grève mouvante, mais vers l'est, il demeure étrangement tourmenté. C'est une succession capricieuse de dunes, de vagues figées à la suite d'on ne sait quel bouleversement cosmique, et d'où l'on n'a pu frayer une seule véritable route. Des sentiers y courent en tous sens, épousant les profondeurs ravinées et grimpant sur les crêtes, vaguement tracées et seulement entretenues par le passage des braconniers, des travailleurs et des baies de la Pignada. La maison de mon oncle est bâtie sur l'un de ces promontoires qui commandent l'étendue bleue, d'un bleu léger à l'Orient, où moutonnent les coteaux gascons brodés de moissons et de vignes, d'un bleu plus profond vers l'ouest que submergent les plantations maritimes. Nous étions venus là, Josette et moi, tout seuls, au début d'un septembre doré et tiède, pour y ensevelir notre jeune passion. Une femme du pays, la Jeannine, venait 2 heures chaque jour vaquer aux soins du ménage, et nous étions parfaitement, indiciblement heureux. La formidable solitude de cet ébahi ne nous pesait pas. Est-il une solitude plus enviable que 2 cœurs qui vibrent à l'unisson de leur propre rythme et du grand vent dans les arbres sensibles? Je vous le répète, c'était le bonheur complet, unique, inespéré, et nous rêvions qu'il n'aurait point de fin. Un matin, hélas, un crouy à cheval s'arrêta devant notre porte. Un ancien ami de mon oncle, et qui m'avait vu naître et grandir, le vieux baron de Coppen, grand chasseur et buveur devant l'Éternel, me convia à une partie de chasse sur ces terres qui étaient immenses, car elles englobaient, rien que dans la Pinède, les territoires de plusieurs paroisses. Pouvais-je me dérober? Outre que le plaisir de la chasse a toujours séduit extraordinairement le terrien que je suis par atavisme et par dilection, il me paraissait difficile, sinon impossible, de refuser l'invitation de M. de Coppen. Oui, mais que faire de Josette? Il ne pouvait être question de l'emmener, pour plusieurs raisons que vous devinez sans peine. L'adorable enfant. Elle fut la première à me conseiller de partir, ne voulant pas me priver d'une joie dont elle sentait pour moi tout le prix, et m'assurant qu'elle saurait s'accommoder avec les soins de la Jeannine de 3 jours d'isolement. Et j'eus la faiblesse de l'écouter. Je sellai mon cheval en tard, sifflai mon chien labrite et partis, botte à botte avec le messager du baron, pour rejoindre le château de ce dernier, distant de 5 ou 6 lieues de ma maison. Ce furent 3 journées admirables. La compagnie était joyeuse et nombreuse, la chasse fut abondante et la table sut rester digne de notre hôte et des traditions du pays d'Albret. mais je ne pus m'abandonner comme je l'aurais souhaité à la volupté des galops sous bois, à la délicieuse torpeur des longs repas, au feu d'artifice des propos de chasseurs. Une constante arrière-pensée, une angoisse obstinée, arrêtait chaque fois tous mes élans. Josette, que devenait Josette, seule là-bas, dans ma case rustique ballottée, telle une nef, entre l'autant de la plaine et les souffles du large. Ce fut un véritable soulagement, et je m'en accusai en secret comme d'une ingratitude quand je pris congé de M. de Coppen et de ses invités. Antard semblait partager mon impression de délivrance et traversa au petit galop l'allée de platane du château avant de s'engager dans les dunes. Nous prenions les raccourcis et nous allions d'une belle allure que précédait et paraissait entraîner mon labrite, compagnon inséparable de nos courses. Nous ne pûmes éviter le hameau de Saujas, et dès les premières demeures, Antard se mit au pas et le chien se rangea dans ses jambes. On allait franchir la petite agglomération quand une pauvre chaumière attira mes regards. Ses volets étaient clos, et au-dessus de sa porte flottait un linceul blanc. C'était le signal de la mort. Il y avait un mort, là, derrière ses murs bas, écrasés de silence. Je piquai des deux et détournai la tête. Et l'allant nous reprit. Mais il se passait quelque chose d'anormal ce matin-là dans ma lande. D'abord, elle était silencieuse comme la chaumière de Saujas, farouchement et inexplicablement silencieuse. Pas un cri d'oiseau dans les arbres, pas un crissement d'insectes dans les herbes. Le soleil pourtant ruisselait du ciel clair, suspendait ses rayons aux cimes des pins, s'étalait en nappes brillantes sur les aiguilles que nous foulions, coulait au long des troncs martyrisés d'entaille d'où giclaient les lames d'or de la gemme. Mais que vis-je sur ces troncs rugueux? Des oiseaux de nuit, des chouettes, des hiboux. Toutes les variétés de nyctalopes s'y accrochaient. Ils restaient là, immobiles, et leurs yeux, malgré la lumière qui aurait dû les fermer, leurs yeux, comprenez-vous cela, restaient grands ouverts, fixés sur moi, hallucinants, inexorables. Je frissonnais. Et il y en avait comme cela tout le long de ma route hasardeuse, gris et noir sur les fûts bruns, par centaines, par centaines. Je fuyais perdument, courbé sur ma selle, fermant les yeux pour ne pas voir ces milliers d'yeux braqués vers moi comme vers une cible. Enfin nous approchions. Un ravin à franchir, puis une simple crête à escalader, je serai chez moi, près de mon ami qui devait m'attendre, guetter mon retour. Déjà j'apercevais notre toit de tuiles rousses, mais aucune fumée ne s'en échappait. Mon cœur se serra. Un toit sans fumée, n'est-ce pas un être sans souffle, sans baleine et donc sans vie? Je pressai ma bête pour gravir à la charge la dernière pente avant le plateau. Mais soudain, Antard renacla, et ses quatre sabots s'agrippèrent au sable nu du sentier. J'eus beau l'éperonner, le cravacher, il frémit longuement, mais pour mieux se raidir, dans une incompréhensible immobilité. De son côté, je voyais mon labrite aller et venir avec frénésie, de droite et de gauche, humer le vent, et frétiller comme en quête d'un gibier prêt à débucher. Il fonça tout à coup vers un buisson épais, et dans l'attitude de l'arrêt, nez droit et queue rigide, il se mit soudain à hurler à la mort lugubrement. Il fallait en finir. Je ramassai mes rênes, labourai les flancs du cheval qui bondit, et m'emporta d'un trait jusqu'à mon seuil où il s'arrêta, couvert de sueur, tremblant et écumant. Je sautai prestement et m'engouffrai comme un insensé dans la maison dont la porte était grande ouverte. Tourne droite au milieu de sa cuisine, je trouvai la Jeannine qui, dès qu'elle m'aperçut, se précipita vers moi et, sans me donner le temps de l'interroger, s'écria « Ah, notre monsieur, que se passe-t-il? Depuis hier, je n'ai point vu madame, et j'ai trouvé la porte ouverte ce matin. Oh, j'ai peur, j'ai peur !» Je la crus folle et, sincèrement, je me crus fou aussi. Je courus de chambre en chambre, me heurtant aux meubles et surtout au vide horrible de cette cage d'où ma Josette s'était envolée et qu'emplissait les gémissements de la servante. J'étouffais de rage impuissante et de douleur. J'enjambai une fenêtre basse et galopant au long des murs, j'appelais désespérément « Josette, Josette !» Les hurlements de mon labrite restés là-bas, près du buisson sinistre, me répondirent. « Vous savez le reste ?» On m'avait tué ma compagne. qui, comment, pourquoi, nul ne l'a jamais su, en dépit des enquêtes judiciaires interminables et d'un procès qui se termina faute de preuves par l'acquittement du prévenu. Seul, il savait, les oiseaux nocturnes de la Pinède qui m'avaient averti de leur terrible regard familier des ténèbres. Pour nous, pauvres hommes, tout est mystère ici-bas, voyez-vous, tout n'est que mystère. Ainsi s'achève le mystère de la lande par Édouard Dulac.